Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Mi va montrer à vous des objets ou va dire moi comment ils appellent. Mi va montrer à vous des objets ou va dire moi comment ils appellent. La clé. C'est la clé. C'est la clé. Le verre. C'est le verre. C'est le verre. La montre. C'est la montre. C'est la montre. Les lunettes. Ce sont les lunettes. Ce sont les lunettes. Le téléphone. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Le peigne. C'est un peigne. C'est un peigne. Les ciseaux. Ce sont les ciseaux. Ce sont les ciseaux. Le rasoir. C'est un rasoir. C'est un rasoir. L'enveloppe. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe. Le crayon. C'est le crayon. C'est le crayon.